Chapitre 21e. La comtesse de Chalonne rentra quelques minutes avant l'heure du dîner. « Pas habillée ?» demanda-t-elle à sa cousine, qu'elle trouva plongée dans un fauteuil au coin du feu, avec Marthe encore sur ses genoux. « Moi, je viens de passer à l'hôtel pour changer de robe. Fille, la paresseuse, on dirait que c'est toi qui as voyagé et que... Et que c'est toi qui te maries. En effet, comme tu es jeune, élégante et jolie, ma Clairon. Comment veux-tu qu'on lutte avec toi? J'y renonce, et je garde ma robe de laine. Tant pis pour moi si mes invités te prennent pour la future. Ma fille ne t'a pas ennuyée? Certes, non. Nous voilà redevenus grandes amies maintenant. Tu ne veux pas me la donner, ta fille? Oh, mon trésor! S'écria Claire, en embrassant la petite qui venait de quitter les genoux de sa tante. Gourmande, fit Nadia. Tu veux tout garder pour toi seule. Paul entrait au même instant. Le regard par lequel sa fiancée l'accueillit lui causa, dès le seuil, un trouble inexprimable. Elle avait sur son visage la même expression d'abattement, de tendresse navrée, d'adieu, qu'il lui avait vu le jour où elle sanglotait à ses pieds, sur le tapis un an plus tôt. Les souvenirs de cette heure émouvante reprirent possession de lui, mais seulement par leur côté généreux et sublime. Une fois de plus, il se jura de réchauffer, de consoler ce cœur malade. Il baisa la main que Nadia lui tendait et murmura de façon à ce qu'elle pût entendre « Pourquoi êtes-vous triste? Nous voici l'un à l'autre pour toujours. » Elle le regarda quelques secondes sans parler. « Ah, dit-elle enfin, comme vous avez bien gagné la récompense qui va être la vôtre. » À son tour, Lucien Sireuil arriva. Presque aussitôt, l'on se mit à table. Le grand avocat était dans un de ses jours de bel appétit et de belle humeur, ce qui se remarquait d'autant plus que les autres convives, même la jeune Marthe, parlaient peu et mangeaient du bout des dents. Jamais, cependant, maîtresse de maison ne fit avec une grâce plus charmante les honneurs d'un repas plus exquis. Au dessert, Lucien Sireuil se leva, portant à la vieille mode la santé des futurs époux. Gérancy et la comtesse ne purent se retenir d'échanger un regard, tant ce toast leur rappelait un autre, celui du déjeuner de la Sainte-Claire, au bord du ruisseau, limpide et joyeux alors, à cette heure morte et glacée comme leurs âmes. La voix de Nadia, quand elle répondit, avait d'étranges vibrations qui firent tressaillir tout le monde. « Chers amis, les seuls que je possède ici-bas, dit-elle, je vous aime tous tendrement. N'oubliez jamais, jamais, cette petite table autour de laquelle nous sommes et ces mots que je me suis répétés souvent depuis quelques mois. De tous les trésors de la terre, ceux du cœur sont les plus difficiles à garder. Que ceux d'entre nous qui les possèdent veillent bien sur eux. Une fois perdue, la voix de celle qui parlait se mit à trembler, et par prudence elle n'en dit pas davantage. Elle se leva, ses convives la suivirent au salon, et chacun put voir que sa main était agitée, tandis qu'elle versait le café dans les tasses. Sur ces instances, les hommes allumèrent des cigarettes. Elle-même en prit une. « Vous savez bien que je suis à moitié russe, dit-elle en manière d'apologie. Quelquefois même, et ses yeux cherchèrent ceux de Paul, je le fus un peu trop, mais l'expérience m'en a corrigé. Donnez-moi du feu, ami, et ne me grondez pas. Je vous jure que voici ma dernière cigarette. » Elle avait les yeux brillants, le teint coloré, les lèvres très rouges. Rarement elle avait été si près d'être jolie. Tout le monde se demandait la cause de cette excitation fiévreuse et fixait sur elle des regards inquiets. Elle semblait ne pouvoir rester en place et parcourait le petit salon d'un pas nerveux, tout en aspirant la fumée odorante du lataqué. Devant le tableau peint par Chérency, et qui la représentait dormant dans le wagon, elle fit une longue pause et sembla se perdre dans une pensée singulièrement douce. Puis, se retournant, « Mon bon Sireuil, dit-elle tout à coup, je vais vous faire un cadeau. Je vous donne l'image d'une amie et l'œuvre d'un ami l'homme qui aura mieux à faire bientôt que de devenir un grand peintre. « C'est un grand cœur, ce qui vaut mieux. »« Je n'accepte pas votre cadeau, » répondit Sireuil, « jamais de la vie. Vous voulez donc me brouiller dès le premier jour avec votre mari ? Soyez tranquille, je me charge de lui faire entendre raison. Demain, la toile sera chez vous. Elle n'en sortira plus, n'est-ce pas ? Mon cher Paul, assurez-vous-même, notre ami, que j'ai votre autorisation. » Paul s'approcha de Madame Fresnel et lui baisa la main. « Aujourd'hui et toujours, ce que vous ferez sera bien fait, » dit-il. « Bon, » repartit Nadia sans le regarder, « voilà une parole dont je vous ferai souvenir avant qu'il soit longtemps. » Sur ces entrefaites, la bonne de Marthe vint prendre sa jeune maîtresse pour l'aller mettre au lit. Comme l'enfant, distribuant ses baisers à la ronde, parvenait à sa tante, celle-ci l'attira et, s'asseyant dans un fauteuil, prit encore une fois l'enfant sur ses genoux. « Bonsoir, toi, » fit-elle. « Bonsoir, ma bien-aimée. Bonsoir pour cette nuit et pour toute celle de ta vie. Ange béni, va dormir. C'est si bon, le sommeil. Que Dieu te récompense de ce que tu as fait aujourd'hui, qu'il en soit remercié. Embrasse-moi, chérie, et que ta mère te rende ce baiser pendant des années, de longues, longues années. » Elle serra sur son cœur l'enfant qui étouffait ses sanglots, gagné par l'émotion inexprimable de ses paroles, où semblait se cacher un adieu. Dans la pièce, un silence de mort régnait. « Maintenant, sauve-toi, » dit Nadia. « Voici l'heure où les petites filles doivent être couchées. »« Morbleu, » grommela Sireuil, quand Marthe eut disparu. « Qui nous verrait tous les quatre en ce moment ne se douterait pas que nous sortons d'un dîner de fiançailles. »« Pourquoi ?» répondit Madame Fresnel. « Ne saurait-on se fiancer autrement qu'avec de grands éclats de rire ?»« Je voudrais bien vous y voir, monsieur l'homme toujours gai. »« Oh, quant à moi, vous ne m'y verrez jamais, Dieu merci. »« J'ai entendu trop de charmantes personnes sangloter à la sacristie, en voile blanc ou dans mon cabinet, en chapeau rose. »« Il faut croire qu'il en est du bonheur conjugal comme des dents. »« On pleure quand ça vient, on pleure quand ça s'en va. »« Taisez-vous, vilain sceptique. » « L'apropos Arbourg est donc une maladie chez vous. Il y a 3 ans, à cette même place, vous souteniez que, à moins d'un mari ou du couvent, toute femme est une vagabonde, et ce, précisément, parce que je ne pouvais avoir ni le mari, ni la cellule. Aujourd'hui, j'ai le choix, vous me l'avouerez. » Depuis la fin du dîner, la comtesse considérait sa cousine avec de grands yeux, se demandant si Nadia ne devenait pas folle tout de bon. Paul, non moins abasourdi, regardait alternativement les deux femmes. La maîtresse de maison comprit qu'il était temps de mettre fin à ce malaise. « Claire, » dit-elle, « tu as passé la nuit en wagon, je te renvoie. Notre ami Sireuil va t'accompagner à ta voiture. N'est-ce pas, cher soutien des pauvres veuves ? Revenez me voir demain matin, j'aurai besoin de vos lumières. Mon cher Paul, je vous garde 10 minutes. Bonsoir, Clairon. » Madame de Chalonne se leva, obéissant comme un automate. « À quelle heure me veux-tu demain ? » fit-elle. « Je t'écrirai un mot. Au revoir. Embrasse-moi, sœur. » Quand Nadia fut enfin seule avec son fiancé, elle vint à lui, et le regardant bien en face. « Paul, » demanda-t-elle brusquement, « êtes-vous heureux de m'épouser ?»« Heureux, reconnaissant et fier, » dit-il en appuyant sur chacun de ses mots. « Vous venez à moi sans aucun regret, sans aucun souvenir qui vous trouble. J'ai oublié tout ce que je devais oublier. Je me souviens de tout ce qui doit rester dans ma mémoire, et c'est beaucoup dire, Nadia. Mais vous-même, qu'avez-vous ? Je vous trouve bien extraordinaire ce soir, bien agité. On le serait à moins ? Je parie que vous le serez, vous, mon ami, quand je vous aurai dit la grande nouvelle. Claire de Chalonne se remarie. « Oh ! » s'écria-t-il avec une sorte d'horreur. « C'est... » Il s'arrêta, cabré sur place, retenu par une volonté vaillante. « C'est une grande nouvelle, en effet, » acheva-t-il. Puis il serra les lèvres, se demandant combien de minutes s'écouleraient avant qu'il pût sortir et respirer librement, seul dans la solitude du boulevard désert. Nadia reprit, les yeux toujours fixés sur Paul. « Vous ne me demandez pas le nom ? Vous n'êtes pas curieux ? Elle épouse un homme qu'elle aime depuis longtemps. « Ah, qu'elle aime depuis longtemps ?» répéta Paul comme un écho. « Elle aimait quelqu'un, vous le saviez ?» J'avais cru 2 ou 3 fois le deviner. Mais elle s'en cachait comme d'un crime. Pauvre Claire, pauvre Paul. vous seriez morts tous deux plutôt que de dire un mot. Ah, que c'est beau l'honneur. Mais pousser à ce point, c'est dangereux. À force d'être honnête, vous, elle et moi, nous nous trompions réciproquement comme larrons en foire. Nadia, fit Chérency, pourquoi me tendez-vous un piège? Assez d'émotion. Devenez ma femme et vivons enfin loin des orages. Il s'en est manqué de peu que je ne fisse cette folie. Cher aveugle, vous n'avez donc pas vu que dans mon cœur l'amour est mort? Comme il faisait un geste de surprise douloureuse. Ingrat, continua-t-elle en souriant. Le passé n'aurait-il pas dû vous apprendre à vous y connaître mieux? Oui, l'amour est mort, j'en sais quelque chose, c'est moi qui l'ai tué, tué par un mot. Il y a des mots terribles, irréparables. Et puis l'amour, la plus belle des choses de ce monde est aussi la plus fragile. Parfois, dans le silence glacé d'une nuit d'hiver, vous avez entendu le bruit sec d'un vase de cristal que brisait une seule bouffée d'air froid. Moi aussi, à une certaine heure, j'ai entendu le bruit de notre amour qui se brisait. Le beau vase n'était plus entier, le charme était rompu, tout cela par ma faute. Le cher passé est mort, aussi mort qu'Edmond de Roxervière. Entendez maintenant ce nom sans colère et sans blasphème. Pardonnez-lui, Paul. Non, répondit-il en remuant la tête. S'il n'avait point surgi entre vous et moi, nous serions parfaitement heureux à cette heure. Mais vous le serez. Étendez la main, prenez le bonheur que je vous donne, épousez Claire. Vous me disiez tout à l'heure, ce que vous ferez sera bien fait. Non. En supposant que j'aime la comtesse de Chalonne, en supposant, pauvre ami. Si vous aviez pu voir la figure que vous faisiez quand je vous ai dit son prétendu mariage. Femme cruelle, vous me ferez perdre la raison. Mais enfin, si j'étais assez malheureux pour aimer votre cousine, ce serait une double folie. Elle ne m'aime pas. Elle ne vous aime pas. Êtes-vous donc si aveugle que vous n'ayez aperçu ce qu'a deviné l'instinct de Marthe? Enfin, n'importe. Vous me conseillez un égoïsme lâche. Dans tout cela, vous ne parlez pas de votre avenir à vous. Demandez à Claire de vous montrer mes lettres. Interrogez une autre femme, une sainte religieuse qui m'appellera bientôt sa fille, dont je regarde presque chaque jour la cellule avec envie. Demandez-lui, si à certaines heures, je ne vous en voulais pas de me fermer cette porte que je franchirai demain. Jamais, s'écria Paul, en prenant encore une fois dans ses bras la femme qu'il avait longtemps aimée. Viens, mon ami, ma femme, oublions cette soirée terrible, oublions tout, les nuages passeront, notre vie est encore longue, elle sera heureuse, tu verras. Nadia, comme endormie déjà dans son calme, ne résistait pas à l'étreinte. Va, tu es un noble cœur, dit-elle. Demain, je tâcherai de me repentir de t'avoir aimé. Aujourd'hui, je ne peux pas encore. Tu me donnes les adieux que je voulais. Oui, mon Paul, je la voulais cette minute, mais tu vois bien que tout est fini. Je suis dans tes bras, j'ai la tête sur ta chère épaule, je sens tes larmes qui coulent sur moi et je te dis non. Elle resta ainsi, perdue loin du présent dans une longue rêverie, repassant dans son esprit les 5 dernières années, depuis une certaine nuit en wagon, jusqu'à cette conversation avec la petite Marthe, au coin de ce feu dont les tisons brûlaient encore. Elle comparait les joies éprouvées aux tortures ressenties et, tout compte fait, songeait en elle-même qu'elle ne voudrait pas refaire le chemin parcouru. Maintenant, soupira-t-elle en se dégageant doucement, il est l'heure de finir notre dernière soirée. Que deux fois, en entendant la lourde porte de ma maison se fermer sur vous, en suivant vos pas qui s'éloignaient dans la nuit déserte, que deux fois j'ai dit « Mon Dieu, que rien de fâcheux n'arrive à mon bien-aimé sur sa route. Ce soir, mon ami, je ne suis pas inquiète pour le trajet qui vous reste à faire dans la vie. Vous avez clair. » Oh, gémit Paul, je crois être à côté de votre lit de mort, bien loin de là. Vous prenez congé d'une pauvre femme très lasse, et qui va se reposer enfin. Mon ami, mon cher Paul, écoutez-moi. Ne me quittez pas dans la croyance que je me suis sacrifié pour vous. Je sais de quoi est capable votre dévouement, mais il n'aurait pu refaire ce qui a été. Je vous jure, ce sera la dernière parole méchante que vous entendrez de Nadia. Je vous jure que vous n'auriez pas pu me rendre aussi heureuse que je vais l'être. Ils se quittèrent. Une fois encore, le bruit de la lourde porte qui se refermait fit trembler la voûte. Une fois encore, derrière son rideau soulevé, Nadia regarda s'éloigner Paul de Chérency. Elle eut le dernier et cruel bonheur de le voir disparaître lentement, son mouchoir sur les yeux, pleurant à chaudes larmes. Personne n'était là pour voir si elle pleurait, la pauvre isolée. Dans une villa petite mais charmante, située dans un coin sauvage au bord de la Dordogne, entre Bergerac et Lalinde, on a vu l'autre printemps s'installer sans bruit de nouveaux hôtes. Les Chérency passent, cachés dans ce joli coin, les deux tiers de l'année. Le salon les rappelle à Paris durant les mois d'avril et de mai, car le peintre est plus que jamais fidèle à son art. L'automne appartient à la pré, dont le voisinage a fixé les nouveaux époux dans le choix de leur résidence. Les vieux Chalonnes accueillent à bras ouverts non seulement leur petite fille Marthe, la future châtelaine du lieu, mais aussi un très jeune frère de celle-ci, le meilleur portrait de sa femme que Paul fera jamais. Durant les voyages de Paris, Marthe s'éternise plusieurs fois par semaine au parloir de la rue de Sèvres ou dans le magnifique jardin, en compagnie de la révérende Mère Claire Marie-Pauline, qu'elle appelle toujours Tante Nadia. Mademoiselle de Chalonne est une héritière à marier ou peu s'en faut. Elle a eu le temps de grandir, sa mère n'ayant pas voulu entendre parler de second mariage avant les derniers vœux de sa cousine. Elle semble d'ailleurs vouloir réparer le temps perdu. Ceux qui jadis la jugeaient froide auraient peine à la reconnaître. Car elle se dédommage, dans le fier bonheur de la passion partagée, des longues années qui s'écoulèrent sans qu'elle connût l'amour, des mois plus longs encore à son gré, durant lesquels il fallut ne pas montrer qu'elle aimait. Souvent, Paul de Chérency vient lui-même reprendre sa belle-fille au couvent. Ses courtes entrevues avec la religieuse ne laissent à aucun des deux ni trouble ni tristesse, car Nadia est une sainte en même temps qu'une femme heureuse. Seul des personnages de ce récit, Bramatuero regrette le passé. La neige des longs hivers de Pentecôte lui manque. Le climat trop doux de l'après ne convient pas à ses poumons de montagnard. Vieux, morose, languissant, moins caressé, le pauvre chien éprouve, comme il arrive pour trop d'humains, que le bonheur des uns est fait ici-bas du malheur des autres. Ainsi s'achève, charme rompu, de Léon de Tinsault.